89.1, la radio des étudiants de l'UQTR. C'est fou, ça! Cette semaine, au Mathieu Plancheau. Dans Télévision, TSN lancera 3 nouvelles chaînes sportives cet automne. C'est fou veut aussi lancer une nouvelle chaîne qui diffuserait que mes émissions et ça ressemblerait vraiment beaucoup à C'est fou. Dans le segment Geek, c'est Nick, c'est en Corée du Sud. On peut désormais être ami avec son frigo et chatter avec lui. Moi, j'ai toujours voulu être ami avec mon four grille-pain. J'imagine que ça s'en vient. Tout ça et plus au Mathieu Plancheau, tout de suite. Et voici celui qui aimerait que sa brosse à dents électrique lui raconte ses hauts et ses bas. Mathieu Plante! Bonjour et bienvenue au Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante. Je m'appelle Mathieu Plante. On est toujours dans notre nouvelle case horaire estivale, les lundis de midi à 14h. On rappelle les mercredis à 17h. Avant de continuer avec le plan d'aujourd'hui, j'accueille Alexandrine Pichessir. Salut! Salut Mathieu! Ça va? Ça va toi? Oui, c'est elle qui anime, entre autres, avec les deux autres filles, les Précieuses Ridicules. Oui, ils viennent juste de quitter. Moi, je vais rester avec toi un petit moment là, pour te tenir. T'es toute seule, pauvre toi. Oui, tout seul. Et ne me juge pas, hein, j'arrive d'une autre matinée, 3 semaines de suite avec le plombier et concierge. C'est pour ça les cheveux? C'est pour ça les cheveux, c'est pour ça sûrement l'odeur. Ça va bien, oui. Merci. Mais ouais, 3 semaines de suite, toi, ça va mieux que moi, j'imagine? Oui, ça va bien. Mais là, on a du gâteau de fête pour toi. C'est super gentil. C'était la fête de Myriam Lortie. Oui, puis aujourd'hui, c'est la fête de Karina aussi. J'ai vu ça sur Facebook. C'est vrai, tout le monde célèbre sa fête à ce moment-ci. Si on recule 9 mois avant ça, c'est qu'il y a un événement qui a fait que tout le monde a couché ensemble. J'imagine, il y a 9 mois, t'as un peu con. Les parents de Karina. Mais donc, c'est ça, t'animes juste avant moi, le lundi matin à 11h. Oui, les Précieuses Ridicules. Les Précieuses en gougoune. En gougoune, ouais, c'est ça. Pour la version estivale. Bien sûr. Il y a des rediffusions, allez voir cif.ca. Émission en formule estivale, est-ce que la formule change? Vous êtes quand même les trois, je pense qu'il y a avoir moins de monde que ça. Non, on est encore les trois, puis on s'est dit c'est comme du théâtre d'été. Tu sais, un petit peu plus en légèreté. Comme aujourd'hui, on a parlé de la galette de sarrasin. Mm-hmm. Parce que Myriam Lortie, c'était son anniversaire, puis elle aime beaucoup la galette de sarrasin. Ça fait vraiment longtemps que j'ai pas mangé ça, sûrement depuis ma jeune enfance. Mais moi, j'haïs ça sérieusement, mais ça et Myriam sont super bonnes. Ah, Myriam, hein? Sûrement une déesse de la cuisine, okay, j'imagine. Ok, oui. On la salue, elle est même pas restée avec nous autres. Comment? Elle est plate. Elle est plate un peu. Mais à partir de la semaine prochaine, Mathieu, tu vas rester un petit peu aux Précieuses. Ouais. Si c'était pas du plombier, je serais arrivé bien à l'avance et okay. Je le saurais dorénavant. Je vais remplacer Dany Janvier. Hey, y avait-tu une belle craque? Dany Janvier? Non, le plombier! correct. Je te dirais que c'est... Ouais, pas super. Okay. Bon. Ils en ont toutes une, hein, même si on veut pas l'accepter. Ils n'ont pas le choix, ils se penchent par en arrière, par l'avant, pas par en arrière. Ouais, mais mets des tailles hautes, chérie. Ah oui! Ce serait beaucoup plus précieux, tout ça. Ah oui, j'imagine le plombier qui arrive en gros suit. Oui! Écrit Steve, genre, sur son tuxedo. Tu peux pas t'appeler Steve et elle porter un habit genre. Non, Steve, ça pas. Fait plus livreur de pizza, je pense. J'avoue. Donc, plus tard à l'émission, évidemment, nos segments traditionnels vont tous être là. On va faire ça, mais avant ça, on va commencer en musique chiptune. Est-ce que tu connais un petit peu le chiptune? Non, qu'est-ce que c'est? C'est de la musique créée à partir de jeux vidéo ou inspirée par les jeux vidéo. Ah, mon coloc, il écoute tout le temps ça. Pour vrai, il faudrait qu'on se connaisse, alors. Ah, oh, tu l'aimerais bien, je pense. Ah, tiens, on va commencer avec une pièce qui s'appelle Tonight We Launch. De quel jeu vidéo? Non, c'est juste inspiré par les jeux vidéo. Ah, OK, d'accord. Créé à partir de consoles de jeux vidéo. Ah, d'accord. C'est bien spécial. We'll be right back. VXC, c'est Life of the Fox avec Bright Sky, Dark Space. On se demande des fois pourquoi les gens finissent les chansons secs de même. Avant l'entendu, c'est Zero to Chili in 27 Seconds par Jerky Me. Un jeu de mots avec Jeremy et Jerk, c'est génial. D'autres chiptunes tantôt et plein d'autres affaires. Mais avant ça, on commence avec la première chronique de l'émission. Voici Television, Television. C'est Television Television, la chronique télé du Mathieu Planchot. Et on débute au Québec, comme on le fait toujours, avec une nouvelle que vous avez peut-être vu passer, mais des détails qui pourraient vous intéresser. À Télé-Québec, Louis Morissette va produire des faux documentaires. Antoine Bertrand participe à une version hollywoodienne de Louis Cyr, tournée par Steven Spielberg. Gilda Roy est le chanteur le plus populaire de la Moldavie. Et Rémi-Pierre Paquin a triché dans tous les jeux télévisés auxquels il a participé. Et bien, les détails de ces histoires fausses, évidemment, seront racontés dans une nouvelle série de Télé-Québec intitulée Une histoire vraie. Ça a l'air bon. Produite par KO TV, la boîte de production de Louis Morissette, la série proposera de faux documentaires, ou ce qu'on appelle des documentaires, de 30 minutes tricotés autour de faits, de témoignages et d'archives véridiques mettant en scène des personnalités québécoises. Le producteur admet que le concept est difficile à expliquer sur papier, c'est pourquoi ses créateurs ont tourné un pilote de l'émission qui ne fera pas partie de la première saison. En compagnie du comédien Denis Houle, ce documentaire pilote révélait comment l'acteur avait guéri son cancer en ne mangeant que des filets de poisson. En plus d'Antoine Bertrand, Gilda Roy et Rémi-Pierre Paquin, Une histoire vraie mettra aussi en vedette Joël Legendre en procès pour avoir dirigé un réseau de combats de chiens. Geneviève Brouillette qui parlera de son nouveau métier de ventriloque. Julie Perrault aux prises avec des esprits dans sa maison. Hélène Bourgeois-Leclerc qui poussera beaucoup trop loin la méthode Actors Studio. Et Jacques Demers qui racontera le destin d'un bâton de hockey que lui a offert Wayne Gretzky. Les faux documentaires se font évidemment en collaboration avec les comédiens qui commenceront à tourner dans 3 semaines. La série en 8 épisodes de 30 minutes sera diffusée à compter de l'hiver 2014. Et on précise que ce ne sera pas tout le temps des personnalités du milieu artistique. Ensuite de ça, encore une fois, comme ça m'arrive une fois de temps en temps, et je dois le mentionner parce que ça me fait prendre un petit 30 secondes de pause pendant entre deux articles, mais j'ai pas les passages importants des articles, faut que je recharge ma fenêtre, ça sent bien. Donc c'est Télévision, évidemment, où on parle de télé, ici, en ce moment. Continuons avec l'incroyable Hulk qui est de retour à Prise 2. Oui, la chaîne Prise 2 va diffuser l'incroyable Hulk, donc The Incredible Hulk, une série qui a fait les beaux jours de la chaîne américaine CBS de 1978 à 1982 en devenant l'un des personnages les plus populaires du réseau. Ouais, du réseau. Allez. La série avait même obtenu un joli succès critique en récoltant quelques nominations aux Emmy Awards. Le scientifique David Bruce Banner perd sa femme Laura dans un tragique accident de voiture. Traumatisé de n'avoir pu la sauver, David mène des recherches afin d'exploiter la force qui est cachée au plus profond de chaque être humain. Une nuit, alors qu'il est dans son laboratoire, David décide de s'exposer lui-même aux rayons gamma, mais l'expérience tourne mal. L'incroyable Hulk met en vedette Bill Bixby, Lou Ferrigno et Jack Colvin. La série est produite par Universal Television et a été diffusée entre le 4 novembre 1977 et le 2 juin 1982 sur CBS. Je pense que j'aurais pas mes soulignements, hein, donc je vais y aller un petit peu à n'importe comment. Alors que les départs se multiplient en marge des récentes compressions annoncées au sein de la Société d'État Radio-Canada, l'animatrice et journaliste Marie-Claude Lavallée annonce qu'elle quitte Radio-Canada. Dans une lettre publiée sur Facebook, Mme Lavallée dit espérer que son départ permettra de sauver l'emploi d'au moins un jeune de la relève dont le poste pourrait être menacé par les coupures annoncées au cours des dernières semaines. Celle qui a fait son entrée à Radio-Canada à Montréal en 1983 dit craindre pour ses jeunes collègues de la salle des nouvelles. Elle les décrit comme brillants et compétents et dit espérer que Radio-Canada les garde tous malgré le contexte actuel. Dans son dernier budget, on se rappelle, Ottawa a imposé à CBC Radio-Canada de nouvelles compressions de 130 millions de dollars, ce qui entraînera la suppression de l'équivalent de 657 postes à temps plein au cours des 2 prochaines années. Marie-Claude Lavallée dit se sentir mal dans sa peau de senior lorsqu'elle constate ce qui se passe au sein de la société d'État Carlin. Ce matin. Qu'est-ce que je disais? Et tout ce qui s'en vient, voilà. D'espérer que les fonds seront trouvés pour préserver ces trésors que sont notre radio et notre télévision publique. Marie-Claude Lavallée est un visage connu et une voix reconnaissable de Radio-Canada depuis 3 décennies. Elle a été chef d'antenne de grands rendez-vous du service d'information à la télé, mais aussi animatrice de plusieurs émissions à la télé et à la radio consacrées à la culture, à la santé et à l'économie. C'est à peu près ça. D'ailleurs, le journaliste d'enquête Lyndon McIntyre de CBC, âgé de 70 ans, était l'animateur de l'émission The Fifth Estate depuis 24 ans. Lui aussi a décidé de quitter CBC pour la même raison. Il a dit que son départ était une manière de protester contre les nouvelles compressions. Il y en a quelques autres aussi. Donc, allez voir l'article sur assemblagerequis.com. Peut-être que si je recharge une dernière fois, s'il vous plaît. Non, toujours pas. Ah, c'est le fun de travailler pour rien. La chaîne sportive torontoise TSN a indiqué qu'elle lancera trois nouvelles chaînes à compter de cet automne, soit TSN 3, TSN 4 et TSN 5. Ces nouvelles chaînes lui permettront de diffuser différentes versions de son bulletin d'information Sports Center en fonction des différents fuseaux horaires et d'offrir plus d'émissions de la chaîne américaine ESPN, en plus d'offrir de plus de couverture en direct, notamment de la NBA et de la NCAA. Cette annonce survient alors que Bell Media est affairé à revoir sa stratégie de programmation sportive après avoir perdu les droits de télédiffusion du hockey de la Ligue nationale au profit de sa rivale Rogers Media, qui a payé 5,2 milliards pour les obtenir. George Cope, président et chef de la direction de BCE, a déclaré que la compagnie n'avait pas l'intention de perdre sa position de leader dans le domaine du sport. On vient sur un sujet qu'on avait touché il y a quelques semaines de ça, la nouvelle série Gotham sur Fox. Le réseau Fox a commandé finalement la série qui plonge dans les débuts de la carrière de James Gordon, celui qui deviendra ensuite le commissaire de police de Gotham City dans Batman. Le producteur Warner Brothers Television a indiqué que la série, qui sera baptisée Gotham, contiendra aussi des histoires inédites sur d'autres méchants de DC Comics et présentera un nouveau personnage, Fish Mooney. Jada Pinkett Smith va incarner Mooney, tandis que Ben McKenzie se glissera dans la peau de Gordon durant sa carrière d'enquêteur de la police. Parmi les autres membres de la distribution figurent Donald Logue, qui sera l'enquêteur Harvey Bullock, et David Mazouz, qui gardera le jeune Bruce Wayne, futur Batman. La date de diffusion n'a pas encore été annoncée, mais un porte-parole de Warner a indiqué que la série était prévue pour la saison 2014-2015. En avance sur son Upfront de la semaine prochaine, ça c'est la place où on annonce les nouvelles émissions de l'automne, Adult Swim a commandé une sitcom mettant en vedette Jack McBrayer de l'émission 30 Rock et le chien Triumph the Insult Comic Dog qu'on connaît de l'émission de Conan O'Brien à l'époque Late Night with Conan O'Brien sur NBC. La nouvelle comédie sans titre provient du comédien Robert Smigel, le marionnettiste et la voix derrière Triumph. La comédie mettra en vedette Jack McBrayer dans le rôle d'un ancien enfant star qui renoue avec son brutal mais aimable ancien collègue de travail, Triumph, alors que celui-ci revient dans sa vie 15 ans après la fin de leur émission. La série a été créée par Smigel avec Michael Corman et David Fieldman. D'ailleurs, Adult Swim, qui a récemment élargi sa programmation à 20h, parce que la chaîne partage son espace avec Cartoon Network. Ils ont aussi des pilotes de John Krasinski, Dream Corp LLC, de John Glazer, et ce sont l'émission Neon Joe, Werewolf Hunter, et un projet sans titre inspiré par le site de musique World Star Hip Hop. Maintenant, Netflix hausse son tarif pour les nouveaux abonnés. Le service de vidéo sur demande Netflix augmentera son tarif mensuel de 1$ pour ses nouveaux abonnés, mais les abonnés actuels n'auront pas à subir cette augmentation avant 2 ans. Ce changement signifie qu'un client qui s'abonne à Netflix à compter de vendredi prochain paiera 9$ par mois au Canada et aux États-Unis. L'ancien prix de 8$ par mois sera honoré jusqu'en mai 2016 pour les abonnés actuels du service. L'augmentation, une première en plus de 3 ans pour Netflix, n'est pas une surprise. L'entreprise de Los Gatos en Californie avait révélé le mois dernier que son tarif augmenterait. On avait parlé de ça ici à l'émission, sans toutefois préciser le montant précis de la hausse. Netflix affirme avoir besoin d'argent pour financer davantage de contenu original comme sa série politique House of Cards. En retardant l'augmentation pour ses clients actuels, Netflix espère éviter les critiques obtenues en 2011 lorsque le service avait imposé une hausse allant jusqu'à 60% à ses clients américains. L'entreprise avait perdu environ 800 000 clients en quelques mois, un exode qui avait alarmé les investisseurs, provoquant la chute de plus de 80% de la valeur du titre de Netflix en un an. Le service a finalement réussi à récupérer ses clients et à raviver sa croissance de sorte que son titre a atteint un court record plus tôt cette année. Les coûts d'abonnement à Netflix augmenteront également d'environ 1$ par mois à l'extérieur de l'Amérique du Nord. L'entreprise comptait à la fin de mars près de 13 millions d'abonnés à l'international dans plus de 40 pays. Reste que ça vaut la peine à ce prix-là, c'est certain, avec le contenu qu'ils offrent. Peut-être moins au Canada. J'avoue que le contenu canadien est un pourcentage du contenu américain. Donc moi, j'irais avec un pourcentage du prix. T'sais, je comprends pas pourquoi on paie le même montant que les Américains pour avoir un pourcentage de leur contenu. Mais ça, c'est peut-être juste moi. Maintenant, parlons un petit bloc en rafale sur les émissions qui s'en vont, les émissions qui vont arriver l'automne prochain. Les upfronts s'en viennent dans les prochains jours. On a parlé de ça, c'est les grandes journées où les réseaux annoncent leurs nouvelles émissions. Ça commence même cette semaine d'habitude. Va falloir que je vérifie, mais quand même, on a quelques fuites jusqu'à maintenant. Donc, commençons par ABC. Les séries à succès de la chaîne ABC, Grey's Anatomy, Revenge et Modern Family, ainsi que Scandal, ont été renouvelées pour la saison 2014-15. Les fans de la comédie Modern Family vont être contents de ça. Grey's Anatomy aussi, Scandal, toutes les affaires que je m'étais pas mis dans mon surlignement, ça. Ben, attention. Castle, Once Upon a Time, The Middle, Nashville, Last Man Standing, Resurrection et The Goldbergs auront aussi de nouvelles saisons. Agents of S.H.I.E.L.D. est également renouvelé et aura même droit à une série spin-off, une série dérivée du nom de Marvel's Agent Carter. Du côté des annulations, les séries Trophy Wife, j'ai entendu que de bons commentaires sur Trophy Wife, c'est très triste. Mixology, Once Upon a Time in Wonderland, la série dérivée de Once Upon a Time. Suburgatory, qui joue à VRAC TV en ce moment en français. Super Fun Night, Back in the Game, Betrayal, Killer Women, Lucky Seven, Mind Games, The Neighbors et Bad Teachers, que c'était sur ABC, ne reviendront pas, malheureusement. Sur CBS maintenant, ils ont renouvelé The Mentalist pour une 7e saison et on a annulé les séries Intelligence, Hostages, Bad Teacher, Friends with Benefits et The Crazy Ones. Voilà, ça c'est les bonnes émissions aux bons endroits. L'autre article mentionnait des séries qui appartenaient pas à ABC du tout en fin d'article, mais bon. Donc, CBS ne confirme pas le nombre d'épisodes commandés pour The Mentalist, mais ce sera autour de 10-13 épisodes. Ça va être la dernière, probablement, saison à 7e. D'autres séries qui avaient déjà été renouvelées dans le passé, CSI Crime Scene Investigation, les experts, NCIS, NCIS Los Angeles, Person of Interest, Hawaii Five-O, Blue Bloods, The Good Wife, Criminal Minds, Elementary, Two Broke Girls, The Millers, Mike and Molly, Mom, Two and a Half Men et The Big Bang Theory, bien sûr. Du côté des annulations, il n'y a pas d'énormes surprises. Les séries Intelligence et Hostages étaient considérées mortes depuis des mois. De même pour Bad Teacher, qui ne devrait pas revenir, malgré un départ solide, la série n'a pas réussi à maintenir son audience. Friends with Better Lives et The Crazy Ones, qui avaient toutes deux des codes d'écoute hockey, devaient être renouvelés pour la saison 2014-2015, mais le fait que les deux ont été annulés fait que le réseau a confirmé 6 nouvelles séries dramatiques. CSI Cyber, on a déjà parlé de ça, c'est la série plus cybercriminalité de CSI. Battle Creek, un autre dérivé de NCIS qui est New Orleans. Madame Secretary, Stalker et Scorpion vont être à l'horaire à l'automne. Du côté de la CW, The 100, Heart of Dixie et Beauty and the Beast reviendront pour la saison 2014-2015, alors que The Carrie Diaries, Starcraft et Tomorrow People ne reviendront pas. C'est à peu près ça. Évidemment, il y avait d'autres séries qui avaient déjà été renouvelées. Arrow, Reign et The Vampire Diaries, tout ça va évidemment revenir. Le réseau avait des attentes élevées pour The Carrie Diaries, pré-suite, ce que j'appelle une pruite, série Sex and the City, mais finalement, ça n'a jamais vraiment fonctionné. Pour ça. Sinon, sur NBC maintenant, NBC qui a renouvelé la série dramatique Hannibal pour une 3e saison, alors que la comédie About a Boy obtient une 2e saison. Variety nous informe, par contre, que les séries dramatiques Revolution et Believe, ainsi que la comédie culte Community, ont été annulées après 2, 1 et 5 saisons, respectivement. Les fans de Community voulaient... Il y avait un hashtag sur Twitter très populaire, c'était 6 seasons and a movie, donc 6 saisons et un film. Malheureusement, ils n'auront eu que 5 saisons. On aura eu que 5, je m'inclus là-dedans. NBC a aussi annoncé qu'ils annulaient la série de DJ Nash, Growing Up Fisher. Par contre, ils ont renouvelé Hannibal, une série produite par Gaumont International TV et Sony Pictures TV Networks. C'était sur le bord de l'annulation, mais les fans, le nombre de fans et surtout le succès outre-mer de l'émission ont finalement sauvé l'émission. Believe, encore une fois, comme je l'avais dit, et ça s'est retiré. De l'autre côté, par contre, About a Boy, qui met en vedette Minnie Driver et David Walton, va revenir pour une 2e saison après une solide première. La série provient de Jason Kateims, un favori de NBC, lui qui a aussi Parenthood, qui devrait être de retour aussi. Maintenant, pour presque terminer cette section Television, allons-y avec les codes d'écoute pour la semaine du 21 au 27 avril. Au Québec, en 15e jusqu'à la 6e en rafale, Le Tricheur, L'Amour est dans le pré, TVA Nouvelle 18h, Ciné Extra, En route vers le Galartis, Les Enfants de la télé, Juste pour rire, La Poule d'or, LOL et Dans l'œil du dragon. En 5e, Testé sur des humains à TVA le lundi soir avec 1 150 000. 4e place, Tout le monde en parle, Radio-Canada dimanche soir, 1 186 000. En 3e, Le tapis rouge du Galartis, TVA dimanche soir à 1 571 000. Le hockey des Canadiens, série éliminatoire ronde 1 à RDS mardi soir, 1 762 000. Et finalement, le Gala Artiste 2014 à TVA dimanche soir dernier avec 1 926 000. C'est pas dimanche dernier, c'est pour la semaine du 21 au 27 avril, bien sûr. Au Canada anglais, en 10e place jusqu'à la 6e, Hawaii Five-O, The Mentalist, MasterChef Canada, Castle et The Blacklist. En 5e, Survivor Brown vs. Brains sur Global avec 2 150 000. En 4e, Grey's Anatomy sur CTV avec 2 214 000. 3e, Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. sur CTV avec 2 338 000. The Amazing Race à CTV, 2 397 000. Et finalement, The Big Bang Theory est en première place sur CTV avec 3 429 000. Pour les invités des talk shows... Pardon, ça fait combien de semaines de suite que je tousse dans le micro? Au Late Show de David Letterman sur CBS ce soir, lundi, Harry Connick Jr. et Jesse Eisenberg. Mardi, Jim Parsons de Big Bang Theory. Et Julie Chen de Big Brother. Mercredi, Barbara Walters qui termine sa carrière à la télé très bientôt. Jeudi, Adam Sandler. Et vendredi, Léa Michel. Au Tonight Show de Jimmy Fallon sur NBC. Lundi, Louis C.K. Mardi, mercredi, plus Maya Rudolph de Saturday Night Live. Jeudi, Jennifer Lawrence, Craig Robinson. Et vendredi, Drew Barrymore. À Jimmy Kimmel Live sur ABC, Kathy Griffin est là ce soir avec Tony Hale de Arrested Development, que j'aime beaucoup, qui joue aussi dans Veep. Mardi, Sally Field, Julia Roberts. Mercredi, pas grand-chose. Jeudi, Shailene Woodley de Secret Teenager Life. Secret Life of the American Teenager, voilà. C'est trop long comme nom, ça. Au Late Late Show de Greg Ferguson, ce soir, Angela Kinsey de l'émission The Office. Jeudi, Alfred Molina, que j'aime bien, et joue dans un Spider-Man, il me semble, à un moment donné. Et vendredi, Sophia Bush. Allez voir le reste sur assemblagerequis.com. Voilà pour Television. C'était compliqué, ardu, comme trop souvent. Retournons en musique chiptune. Pourquoi pas aller entendre de bonnes petites pièces qui, moi, en tout cas, vont pas mal m'intéresser. On va commencer avec Bosconian. Pourquoi pas, tout de suite. La pièce... Attends un petit peu. Juste trouver mes affaires comme il faut. Et voilà, ici. Ah! C'est Ali James. Voici Bosconian Flash, Flash, Flash Extended. C'est Mathieu Planchot. La radio des étudiants de l'UQTR. C'est fou, ça! Je fais n'importe quoi ce matin, je m'excuse, je fais vraiment n'importe quoi. On est pas rendu là pendant tout, on va retourner où on était, là, parce que sinon ça va tout défaire mon plan. Allons-y avec la prochaine pièce de chiptune, juste là. CMG avec Best Friends. On Mathieu Plancheau, on continue avec C'est un fait Tech Edition. C'est un fait, c'est un fait. Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas. C'est un fait, c'est un fait. Et que c'est gênant, chanté de même. Commençons donc avec les choses qui sont passées cette semaine dans l'histoire. Commençons par le 5 mai 2000, ben évidemment 2014, mais on recule en 1992. Id Software sortait Wolfenstein 3D. C'était pas le premier shooter à première personne, mais ça a lancé quand même cette formule-là, ce format de jeu, cette formule en popularité dans le grand public. En 1999, Microsoft envoyait Windows 98 SE. Aux compagnies. Donc, la nouvelle version qui incluait, qui comprenait Internet Connection Sharing, le partage de connexion Internet, Internet Explorer 5 et Windows Net Meeting 3, quand même. ensuite, on passe au 6 mai. En 2002, chez Apple, Steve Jobs montrait macOS 10, 10.2 Jaguar pendant son discours à la Worldwide Developers Conference. Il y avait plusieurs technologies d'écriture à la main qu'on appelait Inkwell. Il y avait un messager instantané qu'on appelait iChat et l'intégration avec QuickTime 6. En 2003, EVE Online a été lancé. C'était un jeu d'aventure dans l'espace massivement multijoueur. Il était différent des autres dans le sens que son histoire était créée surtout par les joueurs dans le jeu lui-même. On saute au 8 mai. En 1790, la French National Assembly a mis en mouvement quelque chose que le bishop Charles Maurice de Talleyrand avait fait, qui avait demandé, qui était de créer un système de décimales stable et simple, un système de mesure. Donc, c'était la première fois qu'on utilisait une unité métrique. Ça a évolué plus tard pour devenir le système métrique. Bref, c'est en 1790. En 1988, un feu prend quelque part dans une switching room du Hinsdale Central Office de la compagnie de téléphone Bell en Illinois. Ça a fait que personne n'avait le téléphone, donc il y avait plus de 40 000 lignes de téléphone qui ont été qui étaient plus fonctionnelles. On dit que c'est le pire désastre de télécommunication de l'histoire de l'industrie du téléphone américain. Voilà. Le 9 mai, en 1989, Apple montre pour la première fois son système d'exploitation System 7 à la Worldwide Developers Conference de San Jose. On a annoncé que les utilisateurs avaient besoin d'au moins un Mac Plus pour faire fonctionner ce System 7-là et avoir au moins 2 MB de RAM. 2 MB! En 2006, Nintendo annonce sa nouvelle console de nouvelle génération. Précédemment, on l'appelait la Nintendo Revolution. Et bien, dorénavant, on annonçait à cette date-là, en 2006, que ça s'appellerait la Nintendo Wii. Le 10 mai, en 2011, Google annonce sa Open Hardware Platform et le système, le service Google Music, qui éventuellement allait devenir Google Play Music. Le 11 mai, en 1997, Deep Blue gagne son dernier match contre le maître des échecs Garry Kasparov, devenant le premier ordinateur à défaire un champion des échecs en situation de match. Voilà pour ce qui s'est passé dans l'histoire. Allons-y avec des faits sur les jeux vidéo. Pour commencer, Saints Row. À l'origine, le jeu Saints Row s'appelait Bling Bling et c'était supposé être sur la PlayStation 2. Donc, Saints Row. Call of Duty Modern Warfare 3. Avant le lancement de Modern Warfare 3, deux hommes masqués à Paris ont fait collision avec un camion de livraison. Ils ont volé le contenu du camion. Donc, avec l'aide de gaz lacrymogène, qu'on dit lacrymogène en français. Donc, le camion, on estime qu'il contenait environ 6000 copies de jeu et leur valeur, entre guillemets, parce qu'on s'entend que c'est des bouts de plastique, là, mais leur valeur sur le marché était de 550 000 $. Je pense pas que ce soit vraiment la valeur de ces jeux-là. DuckTales Remastered maintenant. Tous les acteurs vocaux, ceux qui faisaient des voix dans les dessins animés DuckTales, ça c'est Picsou en français, ont repris leur rôle pour la version remasterisée très récemment, DuckTales Remastered, dont Alan Young, qui ironiquement n'est plus très jeune, avait 93 ans au moment de l'enregistrement de DuckTales Remastered. Dans la copie Dreamcast de Soul Calibur, il est possible de jouer au jeu en utilisant la canne à pêche, l'accessoire canne à pêche de la console, ce qu'on appelle la Motion Sensing Fishing Rod. Le swing de la télécommande, donc de la canne à pêche, simule les attaques. Donc, on peut vraiment frapper quelqu'un avec la canne à pêche. Wave Race Blue Storm contient un œuf de Pâques, donc quelque chose de caché qu'on doit trouver si on travaille très très fort. Tellement bien caché en fait que ça a pris 9 ans avant de le trouver. Et lorsqu'on active cet œuf de Pâques là, si on veut, ça fait que tu te fais insulter par l'annonceur. C'est vraiment cool. Pour vrai, je l'ai écouté hier et les sons de turbo sont remplacés par des bruits de chat. J'ai l'extrait ici. Attention, on va aller écouter ça un petit peu. L'extrait, donc, évidemment, du jeu Wave Race Blue Storm. Si Internet le veut bien, comme toujours, hein, c'est toujours le problème. À la radio, à l'université plus que d'autres choses. Internet est juste tellement là. Ah, ne m'aide pas. Ne m'aide surtout pas. Je pense que ça va commencer à jouer bientôt. Et... Il y a pas mal d'explications au début, je vais sauter un petit peu plus loin dans la vidéo, attention. Donc là, il nous montre comment faire le col, il faut vraiment faire quand même une... Il y a des instructions compliquées, on peut comprendre que ça a pris 9 ans avant de le trouver. Donc si vous entrez le code correctement, vous allez avoir un petit indicatif sonore, voilà. Maintenant vous sortez, vous choisissez tel personnage, et la course. Ça dit Howard, t'es pas très très bon dans le mode turbo, toi. Hein? J'avais déjà pas bien confiance en toi. Donc c'est ça, et le petit turbo, on l'a pas entendu, mais ça fait des bruits de chat. Je pense que c'est dans ces coins-ci, attention. Hein. Un petit peu avant même. Yep, yep, yep, yep, yep. Voilà, j'ai entendu le petit miaou, c'est genre une petite fille qui fait un miaou. C'est même pas un vrai bruit de chat. C'est ça qui est le plus drôle, je pense. Une fille qui imite un petit chat. Et bon, bye. Ensuite, allons-y avec ceux-là. Tiens, le président à l'époque de Sega, Isao Okawa, voulait que Microsoft permette la compatibilité, la rétrocompatibilité des jeux Dreamcast dans la Xbox. Donc, que les Xbox d'origine puissent jouer les jeux de Dreamcast. Mais les négociations ont finalement fini par tomber quand Microsoft a refusé d'inclure le jeu en ligne, donc la participation de jeux en ligne pour les jeux de la Dreamcast. Donc si c'était pas permis d'avoir le jeu en ligne, ça ne fonctionnait pas comme ça. Le jeu, tiens, Maui Mallard est sorti en Europe et au Japon en tant que jeu de Donald Duck. Ça disait sur la couverture Donald Duck dans Maui Mallard. Mais aux États-Unis, il est sorti sous le nom de Maui Mallard dans Cold Shadow. À la place. C'est parce que le département du marketing chez Disney croyait que Donald Duck n'était plus très à la mode aux États-Unis. Donc, on a remplacé le personnage qui ressemble pourtant physiquement quand même pas mal à Donald Duck. C'est un canard avec un bec orange. Il ressemble pas mal, pas beaucoup. Tu peux pas vraiment te tromper. C'est un canard, tu sais, à la façon de Disney. Mais quand même, donc, il l'appelait pas Donald Duck dans la version américaine. Dans Devil May Cry, dans la scène d'ouverture, plusieurs affiches sur les, ben, en fait, pour un band qui s'appelle Combi Christ peuvent être vues sur les côtés des télévisions. Combi Christ est le groupe qui fournit la trame sonore du jeu Devil May Cry, donc c'est pour ça qu'il y a des publicités pour eux partout dans le jeu. Le nom interne du jeu Wii Sports, nom interne, c'est ce qu'on utilise pour identifier le jeu sur le disque en tant que tel, sur le DVD. Donc le nom du jeu sur DVD, c'est Sports Pack for Revolution. Et évidemment, on a dit tantôt, le nom Révolution, c'était le nom de code pour la Wii. Donc c'était un Sports Pack, un ensemble de jeux sportifs pour la Révolution à l'époque. Le personnage de Rosalina dans la série des jeux de Mario, à l'origine, devait avoir une grosse coiffure, tu sais, ce qu'on appelle Beehive. Donc ça, c'est les cheveux très, très par en haut, on dirait comme un cone head de cheveux, si on veut, si vous vous rappelez le film, évidemment. Donc avec un toupet à l'avant coupé très, très horizontalement droit là, et de très, très longues oreilles. Genre bizarre un peu. C'est ça, elle avait des caractéristiques un petit peu plus uniques. Elle avait des yeux avec des cils de longueur qui variaient, comme elle pouvait se rentrer et sortir les cils. Et non pas ce qu'on connaît maintenant de Rosalina, si vous l'avez déjà vu dans les jeux de Mario récemment et dans tous les jeux de Mario en ce moment, dont le nouveau Super Smash Brothers qui va sortir bientôt et le nouveau Mario Kart. Mais bref, donc elle ressemble un petit peu plus à Peach. Maintenant, les gens la confondent Rosalina et Peach, même si pour moi, ils ne se ressemblent pas du tout. Là. Rosalina est bien plus adorable. Donc, allez voir le dessin d'origine sur assemblagerequis.com. Vous savez, l'âge d'un arbre est déterminé par le nombre d'anneaux sur son tronc quand on coupe l'arbre, quand on le hache. Et bien, avec cette logique-là en tête, chaque arbre dans le jeu Minecraft ont 2 ans parce qu'il y a seulement 2 ronds. Hein? Minecraft est évidemment un jeu très populaire en ce moment. Rayman maintenant de Ubisoft. Rayman à l'origine devait être un garçon qui s'appelait Jimmy, qui créait un monde qui s'appelait Here It's Cool. Donc ici c'est cool. L'idée a été rejetée plus tard et on a créé Rayman, le bonhomme sans bras mais avec des mains attachées au bout quand même. Dans la version PlayStation du jeu Rayman 2, The Great Escape, si on ramasse 720 looms, c'est des petites genres de boules de lumière, si on veut, ça va débarrer un niveau 2D secret. On croit que c'est un restant, genre un des tableaux complétés de la version 2D de Rayman 2. Dans le fond, c'est quand Rayman 1 est sorti, c'était un jeu en 2D, donc gauche-droite. Rayman 2, quand il est sorti, c'était un jeu en 3D. Donc, on avançait, on reculait, et gauche-droite. Vous savez ce que c'est, un jeu 3D, quand même. Mais à l'origine, Rayman 2 devait être une deuxième version, en fait une suite 2D du premier Rayman. Et finalement, on a changé les plans. Et un des tableaux de Rayman 2 version 2D est inclus comme bonus dans la version 3D de Rayman 2 The Great Escape. Vous connaissez Punch-Out, le classique de la NES. Si vous entrez le code 800-422-2602 dans le menu principal, ça va vous donner une sonnerie occupée. Parce que c'est le numéro de téléphone de la ligne du service à la clientèle de Nintendo. À l'époque, on pouvait appeler pour avoir des codes de triche, des trucs comme ça. Donc, si tu fais ce code-là, le numéro de téléphone de Nintendo, tu tombes sur une sonnerie occupée pour faire rire. Toujours à Punch-Out, mais la version sur la Wii. Vous savez, ils ont refait Punch-Out pour la Wii récemment. C'est un genre de remake suite. Si vous perdez 100 matchs de suite à n'importe quel moment, le jeu va te donner un casque. Donc, si tu te fais frapper avec ce casque-là, tu vas recevoir moins de dommages. Donc, c'est comme pour te permettre de battre le jeu un petit peu plus facilement. Et d'ailleurs, le casque va aussi être donné à Glass Joe pendant le mode Title Defense, étant donné que tu lui donnes sa 100e fois qu'il perd à ce personnage-là. Donc, lui aussi reçoit un casque à cause de ça. Toujours à Punch-Out, mais on revient à la version NES. Genyo Takeda dit que l'apparition de Mario en tant qu'arbitre dans ce jeu-là n'était pas supposée avoir lieu. Donc, parce que vous savez, Mario jouait l'arbitre, là, c'est lui qui faisait 3-2-1, je sais pas trop comment ça marche, un arbitre à la boxe, mais bon. Il a placé le personnage à la place de l'arbitre sans l'approbation des hauts placés de la compagnie. Et quand est arrivé le moment de faire les tests finaux, personne n'a rien dit au sujet de Mario, donc il a décidé de juste le laisser là. Et c'est pour ça que Mario est dans le jeu Punch-Out sur la NES. D'ailleurs, on avait dit la semaine passée qu'il aurait bien aimé mettre Mario dans la nouvelle version sur la Wii, mais il trouvait que le design de Mario fonctionnait pas, fitait pas avec le décor. Power Punch 2, on reste dans le même domaine. Le jeu était supposé être une suite du jeu Punch-Out sur la NES, donc on parle ici de Power Punch 2. La suite devait s'appeler Mike Tyson's Intergalactic Power Punch. Le plan a tombé quand Tyson a été arrêté, évidemment accusé de viol, etc. Vous connaissez l'histoire de Mike Tyson un petit peu. À cause de ça, le personnage a dû être renommé Mark Tough Guy Tyler, même si son image... dans le fond, son sprite, qu'on appelle, c'est-à-dire son personnage en pixel, n'a pas vraiment changé entre Mark Tough Guy Tyler et avant ça de Mike Tyson. Et le titre a été changé pour Power Punch 2, pour avoir l'air d'une suite de Punch-Out, sauf que jamais eu de Power Punch 1. C'est ça le principe, là. Il s'appelle Power Punch 2, mais il n'y a pas de Power Punch 1. Power Punch 1, c'est Punch-Out. Il n'a aucun sens. Il aurait dû appeler ça Punch-Out 2, ça aurait eu plus de sens, mais bon. Voilà pour cet effet Tech Edition. Dans quelques instants, ce sera Merci Science pour terminer cette première heure de l'émission. Mais avant ça, on retourne en chiptune. Où étions-nous rendus en chiptune? Où étions-nous rendus? On était rendus aux pièces 1, 2, 3, 4, 5, 6, oui. 5 et 6, tiens. Allons-y avec Chvartkuvka Theme. Wow. Chvartkuvka, je suis pas sûr de savoir comment le prononcer. C'est par l'artiste Sanoso Zapienka. On s'en va entendre ça à l'instant au Mathieu Planchot sur C'est fou. Yeah, hein? Ça me fait pratiquer mon russe. We'll be right back. Précédé de Tchvartkouvka par Senzos Pienka, ou peu importe, qu'est-ce que c'est. Vous êtes toujours au Mathieu Planchot, on continue avec la chronique. Merci, science. Merci Science, qui est la chronique scientifique, évidemment, du Mathieu Planchot. On parle de choses un petit peu plus poussées en science, moins technologiques, mais c'est quand même la fusion entre la science et la technologie. Mais il y a bien des choses plus technologiques que ça qui vont dans CNX, vous le savez. On dit souvent que de la musique, qu'elle est un langage universel. L'expression semble appropriée car notre cerveau recourt aux mêmes zones du cerveau pour activer l'une ou l'autre dès lors qu'on est un peu exercé à la pratique d'un instrument, nous dit Futura Science. Pourquoi aime-t-on tant la musique? Des scientifiques de l'Université de Liverpool au Royaume-Uni apportent de nouveaux éléments en expliquant que cette succession de notes pourrait vraiment nous parler au sens propre du terme, puisque notre cerveau exercé l'interpréterait comme une langue. Partout dans le monde, et surtout depuis des millénaires, ces sonorités mélodieuses et en rythme donnent la cadence aux sociétés humaines. Mais les origines exactes de la musique demeurent encore un peu floues. Cependant, il est évident que ces accords choisis pour leur harmonie touchent directement nos émotions et nous parlent, à tel point que de nombreux spécialistes pensent que le langage et la musique sont apparus de concert, ou du moins que les deux sont étroitement liés. Deux études récentes apportent de nouveaux arguments étayant cette thèse. L'une d'elles rapproche davantage la poésie de la musique que du langage. La seconde révèle que des processus cérébraux sont communs aux deux facultés typiquement humaines. Deux recherches évoquées ensemble lors du congrès annuel de la Société britannique de psychologie tendent à confirmer cette deuxième recherche qui portait sur des pianistes de jazz en l'élargissant à des pratiquants et à des non-initiés de la musique. Dans le premier travail, 14 musiciens et 9 non-musiciens ont été invités à participer à des tâches de génération verbale et musicale, en même temps qu'il était mesuré les variations du flux sanguin dans l'hémisphère gauche du cerveau. Pour les habitués des instruments, les deux activités font travailler les mêmes régions cérébrales, ce qui n'est pas le cas chez les autres. La seconde étude n'a porté que sur les non-musiciens participant à des expériences pour évaluer leur aptitude à générer des mots et à percevoir la musique. Au début, les profils des flux sanguins étaient très différents, mais ils sont devenus bien plus proches après que les participants ont eu le droit à une demi-heure de pratique musicale, instrumentale. D'abord, il est important de rappeler que les effectifs utilisés sont trop faibles pour que les résultats puissent être généralisés à l'espèce dans son entier, mais cette première approche laisse entrevoir une fois de plus le lien qui réunit musique et langage au niveau cérébral. L'association serait même si étroite que des régions que l'on pensait impliquées dans le processus du langage s'activent en cas de production de musique après seulement quelques instants de pratique. Les mécanismes cognitifs déjà en place et utiles à la parole sont donc très vite réquisitionnés dès lors qu'il s'agit de jouer d'un instrument. Franchement intéressant. En Finlande, un étudiant chercheur de l'Université d'Aalto a mis au point une micropile à combustible qui peut fonctionner avec de l'hydrogène, de l'éthanol ou du méthanol. Plusieurs de ces micropiles pourraient suffire à alimenter un téléphone intelligent, voire des satellites miniatures. Donc, trouver une alternative aux batteries actuelles qui alimentent les terminaux mobiles, comme les objets connectés, les téléphones, les tablettes, est un défi technique que de nombreux centres de recherche voudraient bien être les premiers à relever. Pourquoi pas une micropile à combustible développée à l'Université d'Aalto en Finlande. Il s'agit d'une petite galette d'aluminium de 14 mm carrés et 1 mm d'épaisseur qui peut produire entre 0,5 et 1 volt selon qu'elle est alimentée par de l'éthanol, du méthanol ou de l'hydrogène. Elle suffirait de quelques micropiles montées en série pour alimenter un téléphone intelligent, assure Gianmario Scotti, l'étudiant chercheur qui a mis au point ce prototype dans le cadre de la thèse de doctorat qu'il s'apprête à soutenir. Son innovation tient en particulier à la méthode de fabrication qui consiste à remplacer le silicium habituellement utilisé par de l'aluminium. Cette micropile n'a pas encore été testée en conditions réelles pour alimenter un appareil et Gianmario Scotti reconnaît qu'il reste encore de nombreux problèmes à résoudre, à commencer par celui de la manière d'introduire le carburant dans la micropile. La qualité de l'air ambiant qui apporte l'oxygène nécessaire à la réaction est également un facteur déterminant. Shanghai, par exemple, disons qu'on s'en va à Shanghai, la pollution pourrait causer des problèmes de fonctionnement à moins que l'air ne soit filtré. Ce type de micropile pourrait apporter beaucoup aux téléphones intelligents en ouvrant de nouvelles possibilités en matière de design et de miniaturisation, sans compter le côté pratique de ne plus avoir à dépendre d'une prise d'électricité pour recharger la batterie. Dans combien de temps? Ben, on est prudent, on dit entre 1 an et 10 ans. Petite marge entre les deux. Des chercheurs français de l'ESPCI Paritech viennent de démontrer l'efficacité de nanoparticules pour réparer des tissus et même des organes mous comme le foie, pour lequel aucune méthode efficace et sûre n'existe pour le moment. Selon les auteurs, cette stratégie de collage est un grand pas en avant pour la médecine réparatrice. En décembre 2013, l'équipe de Ludwig Lébier de l'ESPCI Paritech, l'École supérieure de physique et de chimie industrielle, au sein de l'équipe CNRS, avait présenté un concept entièrement nouveau de collage des gels et des tissus biologiques grâce à des nanoparticules. Le principe est simple, des nanoparticules contenues dans une solution étalée sur des surfaces à coller se lient au réseau moléculaire du gel ou du tissu par un phénomène appelé l'adsorption, et non pas l'absorption, l'adsorption. Et dans le même temps, le gel ou le tissu lie les particules entre elles, se forment ainsi d'innombrables connexions entre les deux surfaces. Le processus d'adhésion qui ne comporte aucune réaction chimique ne prend que quelques secondes. Et dans une nouvelle étude publiée dans la revue Agroantechimie, les chercheurs montrent que cette méthode peut être appliquée in vivo sur des rats et aurait le potentiel de bouleverser la pratique clinique. Dans une première expérience réalisée chez les rats, les chercheurs ont comparé la fermeture d'une plaie profonde de la peau par la méthode traditionnelle des points de suture et par l'application au pinceau de la solution aqueuse de nanoparticules. Cette seconde stratégie, simple d'utilisation, permet de refermer la peau rapidement jusqu'à la cicatrisation complète, sans inflammation ni nécrose. Encore mieux, la cicatrice résultante est presque invisible. Dans une seconde expérience, les chercheurs ont appliqué cette solution à des organes mous, comme le foie, le poumon ou la rate, qui sont difficiles à suturer car ils se déchirent lors du passage de l'aiguille. Actuellement, aucune colle n'allie efficacité d'adhésion et innocuité pour l'organisme. Confronté à une entaille profonde du foie avec forte hémorragie, les chercheurs ont refermé la blessure en étalant la solution aqueuse de nanoparticules, et en pressant les deux bords de la blessure. La perte de sang s'est alors arrêtée. Et pour réparer un lobe de foie sanctionné, les chercheurs ont également utilisé des nanoparticules. Ils ont collé un pansement recouvert de nanoparticules sur la blessure, arrêtant l'hémorragie. Et dans les deux situations, le fonctionnement de l'organe est préservé et les animaux survivent. Magique! Cette méthode d'adhésion est exceptionnelle par son potentiel d'application clinique. Elle est simple, facile à mettre en œuvre et les nanoparticules utilisées, constituées de silice et d'oxyde de fer, peuvent être métabolisées par l'organisme. Ainsi, la méthode peut facilement être intégrée dans les recherches actuelles sur la cicatrisation et la régénération de tissus et contribuer au développement de la médecine régénératrice. Hein? Des nouvelles comme ça, on en veut d'autres. D'ailleurs, les prothèses sont de plus en plus naturelles, hein? Reliées au cerveau dans un sens et dans l'autre, mécaniquement perfectionnées et contrôlées par des systèmes informatiques, les prothèses de nouvelle génération rendent leur autonomie à des femmes et des hommes amputés d'un bras ou d'une jambe. Des progrès importants sont en ligne de mire des chercheurs. Plusieurs axes de progrès soutiennent l'évolution en matière de prothèses, les matériaux, la robotique, la puissance informatique et la chirurgie réparatrice, dont on vient de parler presque. En fait, c'est pas nécessairement la même chose. Les deux jambes en fibre de carbone de l'athlète sud-africain Oscar Pistorius ont défrayé la chronique dans le milieu sportif et lui ont permis de participer aux Jeux olympiques de Londres en 2012. Leur souplesse et leur solidité lui donnaient tant de puissance qu'il y a eu débat pour déterminer si elle ne lui conférait pas un avantage sur les coureurs valides. Pour l'esthétique, la silicone fait désormais illusion et il est parfois bien difficile de distinguer la vraie main d'une fausse. La robotique et l'informatique ont progressé vers la miniaturisation et la puissance de calcul au point de faire entrer dans le volume d'un bras ou d'une jambe tout ce qu'il faut ou presque. De petits moteurs électriques font office de muscles et des capteurs miniatures peuvent restituer dans une certaine mesure le sens du toucher. Deux techniques sont explorées aujourd'hui, les électrodes et les interfaces myoélectriques. Plus efficaces, mais plus complexes à mettre en place, les premières recueillent des signaux sur des nerfs moteurs encore intacts et les analysent pour commander des mouvements. Les électrodes peuvent également, dans l'autre sens, stimuler les nerfs sensitifs. Les capteurs myoélectriques, eux, se fixent sur la peau et ils détectent les petits mouvements des muscles sous-jacents ou bien les stimulent. Ils ont l'avantage d'une pose simple et sont solidaires de la prothèse. Leur emplacement, bien sûr, sont déterminés sur la personne elle-même à la suite de longs essais. En Autriche, le chirurgien Oscar C. Hasman est parvenu à récupérer les nerfs moteurs du bras qu'il a amputé et à les réinstaller sur des muscles pectoraux. OK, donc on prend les muscles, les nerfs moteurs sur le bras, on les met dans les muscles pectoraux. Le patient pense à déplacer son bras en stimulant les muscles de ses pectoraux, au-dessus desquels sont installées des électrodes commandant les moteurs de la prothèse. Et le mouvement devient assez naturel. Le gars fait bouger ses pectoraux pour faire bouger ses bras. C'est fantastique. Une forte puissance de calcul est indispensable pour analyser en temps réel le signal de commande vers les moteurs ou celui transmis par les capteurs. La puissance, cependant, n'est pas tout et les chercheurs en sont aujourd'hui à peaufiner les algorithmes pour mieux analyser les signaux. Des batteries au lithium-ion ou au lithium-polymère doivent alimenter tout ça et peuvent loger dans le membre, bras ou jambe, en quelque part là-dedans. Ces remarquables résultats qui commencent à sortir du laboratoire restent encore balbutiants. Quant aux tarifs, ils interdisent pour l'instant une large diffusion de ces progrès-là. On parle de plusieurs dizaines de milliers d'euros ou de dollars. Miniaturisation et production plus industrialisées seront d'ailleurs nécessaires pour que les jambes ou les bras artificiels viennent aider tous ceux qui en ont besoin. L'Université de Stanford mène actuellement une expérience qui consiste à déterminer l'état émotionnel à partir de données recueillies par une manette de jeu bardée de capteurs. L'objectif est d'interpréter ces données afin d'adapter l'intensité du jeu pour le rendre plus prenant ou au contraire calmer les esprits échauffés. Et si les jeux vidéo du futur étaient capables de comprendre l'état émotionnel du joueur pour adapter le rythme du jeu ou le scénario en conséquence? Un joueur montrant des signes de lassitude pourrait se voir proposer des difficultés supplémentaires, tandis qu'une personne trop excitée serait canalisée par une phase de jeu plus apaisante. Mais comment déterminer si une personne s'ennuie ou a peur, est heureuse, effrayée ou survoltée lorsqu'elle joue? C'est justement l'objet d'une expérimentation qui est actuellement conduite à l'Université de Stanford, aux États-Unis. Une équipe de chercheurs du Transducers Lab, dirigée par le professeur Gregory Kovacs, travaille sur une manette de jeu capable de déceler l'état émotionnel d'un joueur en analysant les signaux physiologiques du système nerveux autonome. Lorsqu'une personne éprouve des émotions telles que l'excitation, la joie, l'ennui ou la tristesse, ça se traduit par un changement du rythme cardiaque, de la respiration, de la température et de la sudation. Mesurer ces signaux permet d'en déduire un état émotionnel. Il s'avère par contre que toutes les données peuvent être recueillies de façon non évasive à travers les mains. Les chercheurs de l'Université de Stanford ont donc créé une manette de jeu spéciale à partir du modèle de la console Xbox de Microsoft. Au dos de la manette, un boîtier contient un oxymètre de pouls qui mesure la fréquence cardiaque et estime la pression artérielle. Il ne s'agit pas à proprement parler d'une mesure de la pression artérielle, mais de certaines de ses caractéristiques, en particulier la dilatation et la contraction des artères, sous l'effet des émotions comme l'excitation et la peur que procure un jeu vidéo. Quatre platines métalliques placées dans les deux extrémités en contact avec les paumes de la main captent l'activité électrique liée au battement du cœur ainsi que le rythme et la profondeur de la respiration. Les accéléromètres analysent les mouvements des mains. L'ensemble de ces informations est collecté via un jeu vidéo spécialement conçu. Il s'agit d'une course où le joueur doit conduire un engin en suivant des séquences. Les données sont compulsées sous forme graphique pour brosser un tableau de l'état émotionnel et la prochaine étape pour l'équipe consiste à faire en quelque sorte un retour d'effet inversé où le jeu vidéo se servirait des données pour adapter son rythme ou son scénario en temps réel. Les éditeurs de jeux vidéo pourraient recourir à cette technologie pour tester l'attractivité de leur scénario et la qualité de la prise en main ou de la jouabilité. Mieux encore, le système pourrait être intégré à un jeu vidéo de manière à s'adapter à la volée, donc augmenter la difficulté lorsque le joueur montre des signes d'ennui, supprimer des scènes potentiellement effrayantes si la personne a peur, ralentir l'action s'il est trop nerveux, etc. Selon les chercheurs de Transducers Lab, le concept pourrait même s'appliquer à d'autres domaines que les jeux vidéo. Par exemple, ils pensent que le type de capteur pourrait être intégré dans le volant d'un véhicule afin de déterminer l'état de fatigue ou de stress du conducteur. Pour le moment, la prochaine étape consiste à réaliser des essais en conditions réelles avec des volontaires afin d'évaluer la pertinence du concept en comparant les données recueillies via la manette avec les ondes cérébrales. Wow! Pour les voitures, les plus vraies voitures, que les jeux vidéo, c'est une chose, mais dans la vraie vie, j'avoue que ça pourrait peut-être réduire la rage au volant, d'une façon ou d'une autre. Et finalement, un caleçon censé protéger les testicules des ondes. Les ondes électromagnétiques ont-elles des effets néfastes sur la santé? Bien, certains sont persuadés et cherchent par tous les moyens de réduire leur portée. Joseph Perkins, qui se présente comme un physicien, donc on ne sait pas si c'est vraiment un physicien, a lancé une idée qui devrait séduire les plus inquiets. Il a en effet mis au point un caleçon, le Wireless Armor, censé protéger les testicules de ces ondes. Le jeune Britannique s'appuie sur les études qui ont fait le lien entre les ondes électromagnétiques et les troubles de la fertilité chez l'homme, un lien loin d'être reconnu scientifiquement. Pour faire barrage à ces ondes, Joseph Perkins a créé un prototype de caleçon conçu avec des fibres d'argent pur. Ceux-ci sont censés protéger à 99,9% les attributs de ces messieurs contre les ondes, notamment lorsqu'ils ont un téléphone dans leur poche. Pour faire aboutir son projet et commercialiser ses sous-vêtements, Joseph Perkins a sollicité les internautes sur la plateforme de financement sociétaire Indiegogo. Il leur faudra dépenser au moins 15-20 de dollars environ pour recevoir un de ces superbes caleçons. Magique. Voilà pour Merci Science. Merci Science. Trop gentil de ta part. Plus tard dans la deuxième heure, on aura évidemment le bloc Geek CNX qui s'en vient. On a What Web, on a la série Double the Trouble avec la musique de Donkey Kong Country 3. Tout ça dans la deuxième heure du Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante. Restez avec nous. Et en passant, tous les liens de l'émission d'aujourd'hui et des autres sont sur assemblagerequis.com, www.assemblagerequis.com. Cliquez sur l'émission de la semaine du 12 mai 2014. On revient dans 2 minutes. Restez là. Vous êtes dans la zone 89.1. C'est fou. Bonjour Mathieu Plante, je suis Mathieu Plante, je m'appelle toujours Mathieu Plante. Dans quelques instants, ce sera le bloc Geek CNX. On va faire le tour des nouvelles technologiques du moment, tout ce qui n'est pas science, donc le reste, hein, jeux vidéo, informatique, trucs comme ça. Mais avant ça, encore un petit peu de chiptune avec un autre excellent bloc que je vous ai préparé. Plus tard, on aura Spore, hein, l'artiste Spore. Je ne sais pas pourquoi je m'entraîne les artistes à l'avance comme ça, ça va vous changer quelque chose. Mais on va débuter avec Sparky Rogers. Voici Wistful Delight tout de suite à MBS, le Mathieu Plante Show. DJ Spore et Game Boyfriend. Précédé de Wistful Delight par Sparky Rogers. Mathieu Plancho. Ah! D'autres chiptunes encore plus tantôt, ainsi que la nouvelle série Double the Trouble. Mais avant ça, voici le bloc Geek Ceilings. C'est toujours le Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante et Cynix, c'est le segment geek où on parle des nouvelles technologiques du moment, que ce soit jeux vidéo ou informatique. Et on commence en technologie, plus au sens large, avec un frigo avec lequel on peut chatter. C'est vrai. LG vient de commercialiser en Corée du Sud une ligne d'appareils ménagers intelligents composée de réfrigérateurs équipés d'une caméra à l'intérieur, d'une machine à laver et d'un four pouvant être mise en marche à distance, nous apprend le site The Next Web. Principale nouveauté, cette ligne utilise un système baptisé Home Chat qui permet de WeChat avec ses appareils à distance. Des appareils proposant des fonctions similaires existent déjà, admet la marque dans un communiqué, mais c'est selon elle la première fois que l'expérience utilisateur est aussi simple et agréable. C'est grâce au système de conservation en ligne qu'utilise Line, application de chat très populaire en Asie, appréciée entre autres pour ses stickers, ces petits autocollants. Je sais pas si c'est conversation plus que conservation d'après moi. Côté gestion des stocks, le frigo intègre un système d'assistance LG Smart Manager, lequel transforme le réfrigérateur en un système complet de management, de gestion en français alimentaire. Concrètement, le frigo surveillera les dates d'expiration des produits et recommandera à l'utilisateur des propositions de recettes en fonction des denrées disponibles. La caméra grand angle braquée sur l'intérieur du frigo permettra à l'heureux propriétaire de préparer ses listes de courses à distance sans avoir à repasser à la maison. Effet secondaire et volontaire à prévoir, la caméra sera évidemment l'allié des parents diététiciens qui ne veulent pas que leurs enfants ou leurs copains et copines mangent n'importe quoi. Côté chat, on lit que chez LG qu'il s'agira d'une interface intuitive qui fait que communiquer avec le réfrigérateur intelligent, la machine à laver ou le four sera un peu comme chatter avec un ami proche. Oh oui! Il y a une conversation d'affichée en images sur l'article de Slate.fr. LG Home Chat dit « Qu'est-ce que je peux faire pour vous? » La personne a demandé « Est-ce qu'il y a de la bière dans le frigo? » Et le réfrigérateur de dire « 3 bouteilles sont disponibles. » C'est pas génial ça, il y a 3 bouteilles de bière dans le frigo. Le Human Media Lab de la Queen's University au Canada vient de présenter un prototype de smartphone pliable qui adapte l'affichage du contenu en fonction de la forme qu'on lui donne. Paperfold est composé de 3 écrans à encre électronique détachables et combinables selon les besoins. En mai 2011, Futura Science avait présenté le concept de Paperphone, développé par la Human Media Lab de la Queen's University à Kingston, en Ontario. Il s'agissait d'un écran souple basé sur la technologie d'encre électronique dont la manipulation permettait de déclencher des commandes sur l'interface. 3 ans plus tard, la même équipe vient de dévoiler un nouveau prototype nommé Paperfold. C'est un smartphone composé de 3 écrans tactiles pliables de 10 par 15 cm pour 5 mm d'épaisseur, reliés entre eux par des charnières magnétiques qui détectent l'orientation et la configuration afin d'adapter l'affichage en conséquence. Paperfold veut corréler la disposition des écrans à une fonction. Chacun des 3 écrans fonctionne indépendamment ou en association avec une interface et un affichage qui s'adapte aux configurations et au contenu. Par exemple, si on plie Paperfold de la manière d'un ordinateur portable, celui-ci va afficher un clavier virtuel sur l'écran placé à l'horizontale, bien sûr. Le concept s'avère particulièrement adapté pour la consultation de photos et la cartographie. La démonstration vidéo du Paperfold montre comment l'affichage est modulé en fonction de la disposition des écrans avec l'application Google Maps. Par exemple, l'utilisateur pourrait étendre la surface d'une carte en installant les 3 écrans à plat, comme il le ferait avec une carte de papier. Plus intéressant encore, si l'on plie les 3 écrans pour leur donner une forme convexe, Google Maps passe automatiquement en mode Google Earth. De même, si on plie les écrans dans une forme 3D correspondant à celle d'un bâtiment, par exemple, Google Maps générerait un modèle 3D imprimable via l'application SketchUp. Le prototype est pour le moment assez rudimentaire et ses concepteurs n'avancent aucun plan commercial. En revanche, le Paperfold vient d'être présenté à la conférence SHI 2014 de Toronto, consacrée aux technologies d'interaction homme-machine. Apple dépose un brevet pour reconnaître lorsqu'un bouton est touché accidentellement. Apple dépose donc un brevet permettant de reconnaître ça. Le dispositif identifie si l'action est donc réalisée par un doigt ou par un autre moyen. Dans ce dernier cas, l'appareil portable ne doit en principe pas réagir et exécuter la commande, donc on laisse faire. Le brevet numéro 8 717 199, déposé auprès de l'Office américain, ajoute que le système empêche l'activation accidentelle du bouton lorsque l'utilisateur manipule des parties d'un dispositif électronique mais n'a pas l'intention d'appuyer sur le bouton. Selon Apple Insider, ce type de fonctionnalité peut être intéressant pour les smartphones, téléphones intelligents, mais surtout pour les appareils connectés comme les montres dotées d'un écran tactile. Tu veux pas t'en farger là-dessus. Le brevet ne définit toutefois pas sur quelle catégorie de produits pourrait être déployé ce système. Les claviers, boutons de menu ou encore les boutons marche-arrêt restent particulièrement visés par cette fonction. C'est un article de Clubic. Allons-y avec la récupération de rebuts à l'ère des médias sociaux. Un groupe d'utilisateurs du média social Facebook, si vous connaissez peut-être pas, facebook.com, comme on dit, s'est donné pour mission de faire le lien. J'aime ça quand tu nous précises le média social Facebook. Ah oui, c'est comparé à Facebook, le magazine culinaire. Donc, c'est donné pour mission de faire le lien entre les objets mis à la rue et ceux et celles qui en ont besoin dans la région de Moncton au Nouveau-Brunswick. Le groupe Moncton Spring Cleanup Scavengers compte 530 membres et existe depuis presque 2 ans. Il se consacre à la récupération et aux échanges d'objets, notamment des meubles, téléviseurs, jouets, lits de bébés, supports à vêtements, etc. Les membres du groupe récupèrent tout ce qui peut encore servir. Ce sont des objets déposés au bord de la rue comme déchets par ceux qui n'en ont plus besoin. Alors, cette période de collecte printanière des rebuts, il se fait beaucoup d'activités, d'échanges et de récupération par l'entremise de ce groupe Facebook qui fonctionne toute l'année. Le gouvernement de l'État de Washington vient d'intenter un procès à un porteur de projet de financement participatif, donc de crowdfunding, accusé d'avoir sciemment arnaqué des internautes sur Kickstarter, une action motivée par la loi de protection des consommateurs. C'est une première dans le petit monde du financement participatif. Un État américain attaque l'initiateur d'une campagne Kickstarter. En octobre 2012, un entrepreneur nommé Edward J. Polkchlep III, résident à Nashville, dans le Tennessee, a levé 25 000 $ pour financer la production d'un jeu de cartes. La livraison était prévue en décembre de la même année, mais aucun des quelques 810 backers n'a reçu ses contreparties. L'entrepreneur a, de son côté, fait profil bas en ne répondant pas aux centaines de messages des internautes lésés. Alors qu'aucune communication n'a été réalisée entre Edward J. Polkchlep et les backers depuis juillet 2013, l'État de Washington a décidé de mettre les pieds dans le plat. Le 1er mai, le procureur général Bob Ferguson a officiellement lancé un recours en justice dans la mesure où 31 des 810 backers vivent dans cette zone du pays. Le magistrat explique que la campagne viole la loi sur la protection des consommateurs. De fait, la restitution de l'argent des backers est demandée, ainsi que 2 000 $ par personne lésée. Par ailleurs, il est également requis que Edward J. Polkchlep III devra rembourser les frais judiciaires engagés par l'État. Dans les médias, seuls les 31 backers de l'État de Washington sont concernés par la potentielle restitution de leur argent, mais si d'autres États décident de participer à l'action judiciaire, le montant de la somme que l'entrepreneur pourra avoir à verser pourra atteindre 1,6 million de dollars. Si Kickstarter a servi de plateforme pour la campagne en question, le site n'est pas visé par l'action en justice. En effet, le service se dédouane de toute responsabilité concernant l'aboutissement ou non des projets qui y sont financés. C'est connu dès le départ, c'est dans les règlements. Seuls les porteurs de projets ont des obligations de résultat et se doivent de rembourser les backers en cas d'échec. Néanmoins, la médiatisation d'un tel procès ne devrait pas faire de la bonne publicité quand même à Kickstarter, voire au financement participatif en général, que ce soit Indiegogo ou autre. Ensuite, Google lance son service de musique en continu au Canada. Google fait son entrée dans le secteur de la diffusion de musique en continu au Canada avec le lancement de Google Play Music, le dernier d'un nombre croissant de services susceptibles de changer la façon dont les Canadiens écoutent leurs chansons préférées. L'entreprise a annoncé que son service avec abonnement constituerait la pièce maîtresse de son service numérique de musique permettant d'écouter de la musique sur des téléphones mobiles, des tablettes électroniques et des ordinateurs personnels. En plus d'écouter de la musique diffusée en continu, les utilisateurs de Google Play Music peuvent acheter des chansons pour leur collection personnelle, un peu comme le font les clients du magasin iTunes d'Apple. Le service de diffusion de musique en continu de Google est l'un des plus complets proposés aux Canadiens. Les utilisateurs de Google Play Music ont accès à plus de 25 millions de chansons diffusées en continu. Ça représente plusieurs millions de pièces de plus que ce à quoi ont accès les abonnés américains, a indiqué le géant de la technologie. Les frais d'abonnement à Google Play Music sont de 10 $ par mois après une période d'essai de sans frais de 30 jours. Un prix de lancement de 8 $ par mois est actuellement en vigueur. Google Play Music est déjà disponible dans 25 autres pays, dont les États-Unis et le Mexique. Ils s'entraînent comme des athlètes, ont leurs fans et peuvent changer d'équipe. Les professionnels du jeu vidéo ont emprunté les codes du monde, du sport, jusqu'au modèle économique, nous dit la presse. Une trentaine d'entre eux étaient réunis jeudi à dimanche dernier au Zénith de Paris pour s'affronter sur League of Legends, le jeu en réseau phare du moment, avec ses 70 millions de joueurs, qui fait même l'objet d'un championnat international. Le tournoi, l'un des principaux rendez-vous de la saison, a fait salle comble. L'article est de l'agence France Presse, relié par la presse, pardonnez-moi. Avant les matchs dont le but consiste à détruire la base de l'équipe adverse tout en protégeant la sienne, les noms de ces joueurs sont scandés par les 5000 spectateurs réunis dans la salle qui en connaît les moindres forces et faiblesses. Derrière chaque équipe de 5 membres, un entraîneur glisse ses conseils et encouragements. Et en coulisses, certains joueurs s'échauffent dans de petites salles à l'abri des regards. D'autres ont droit à une collation avec des fruits et des Féculent. Ouais. Avoir le statut de joueur professionnel, c'est aussi vivre de ses exploits virtuels. Les sources de revenus sont variées entre prix gagnés lors des tournois et rémunérations versées par des commanditaires. Il est très fréquent d'avoir des joueurs professionnels qui gagnent plusieurs centaines de milliers de dollars par mois. Pour parvenir à un tel niveau, il faut plusieurs milliers d'heures d'entraînement, nous dit-il. Avant d'intégrer une équipe professionnelle, les meilleurs sont le plus souvent repérés sur les serveurs de jeu par des gérants, des managers qui cherchent à dénicher les futures vedettes. Les États-Unis ont décidé de l'an passé de faciliter l'obtention d'un visa pour les joueurs étrangers. On avait parlé du sujet à CNX afin d'attirer les nouveaux talents dans les équipes locales. Les transferts sont aussi de la partie dans League of Legends. La semaine passée, le Russe Alex Ish, un des joueurs en vue, a ainsi quitté son équipe des Gambit Gaming pour rejoindre la formation suédoise des Ninjas in Pyjamas. Quel nom génial, Ninjas in Pyjamas. Intéressant comme domaine, ça dépend vraiment des opinions. Il y a des gens qui trouvent que c'est pas un sport, hein, qui trouvent que c'est un... Il y en a qui disent que le golf, c'est pas un sport, hein, qui disent que c'est pareil dans tout, là. Qu'est-ce qui est un sport, hein, finalement? Nintendo refuse de permettre aux joueurs d'interpréter des personnages gays. Nintendo refuse donc catégoriquement. L'entreprise a déclaré qu'il ne céderait pas à la pression voulant que les joueurs puissent séduire des personnages de même sexe dans les versions anglaises de Tomodachi Life. Cette déclaration répond à une campagne lancée sur les médias sociaux le mois dernier dans l'espoir de permettre l'égalité virtuelle pour les personnages du jeu. Les fans demandaient à Nintendo d'ajouter des options de relations homosexuelles dans le jeu, qui sera offert le 6 juin sur la console Nintendo 3DS. Le jeu a d'abord été lancé au Japon le mois dernier et met en scène des personnages vivants et jouant sur une île virtuelle. Plusieurs jeux du même type comme The Sims et The Elder Scrolls ont permis aux joueurs de créer des personnages homosexuels. Nintendo ne veut pas. Il y avait un bug dans un jeu, il me semble, il y a quelques années, qui permettait de le faire, mais c'était pas supposé. Puis il y a eu un patch pour l'enlever pour que tu puisses pas le faire. C'est bien compliqué. Ben évidemment, on est contre toute forme de discrimination ici au Mathieu Plante Show, donc on encourage à ce que ça change un jour. J'imagine que s'il y a assez de pression, Nintendo va finir par changer d'avis. Rovio, le développeur d'Angry Birds, compte bien avoir sa part du gâteau en produisant à quelques détails près, en reproduisant, oui, un jeu assez proche de Flappy Birds intitulé Retry sur iOS. Bien évidemment, le titre se justifie par la récupération d'une mécanique essentielle, le Die and Try, toujours un bon prétexte pour injecter des options de micro-paiement dans le jeu. Mais le titre se différencie tout de même par quelques aspects, nous dit GameCult.com. On contrôle ici un avion et chaque impulsion propulse l'aéronef non seulement verticalement, mais aussi vers l'avant. Il y a donc, à la différence de Flappy Bird, pas d'auto-scrolling, il n'y en a pas. Le jeu n'est disponible que dans une poignée de pays pour le moment. Entre autres au Canada, je l'ai téléchargé, j'ai pas encore joué. Le paiement en argent réel peut être une option pour débloquer des coins, des pièces de monnaie internes servant notamment à reprendre sa partie depuis le dernier point de contrôle. La note deviendra rapidement salée avec 10 pièces vendues 1$ ou 50 pour 4$, sachant qu'un monde coûte plus de 400 pièces. Ça va devenir cher assez rapidement. Si vous avez du temps et de la patience, vous pouvez récolter des pièces dans les niveaux du jeu en espérant que ça suffise. Allez voir la vidéo et télécharger l'application sur iOS, c'est gratuit en passant. L'application en tant que telle. La firme Analog Interactive vient de lancer la commercialisation d'une version moderne de la console NES de Nintendo, tout en aluminium et dotée d'une connectique haute définition. Elle coûte presque aussi cher qu'une PlayStation 4. Si la nostalgie n'a pas de prix, la console NES revue par Analog NT coûte, elle, 500$. Wow! Pour ce tarif proche de celui d'une PlayStation 4, il est possible de jouer aux cartouches de NES et de Famicom. C'est la version japonaise commercialisée à la fin des années 80 au début des années 90. Les périphériques d'époque sont compatibles, évidemment, pour l'authenticité. Néanmoins, la NES moderne permet de brancher jusqu'à 4 manettes et propose un adaptateur visant à adapter l'image pour un téléviseur HD, tout en gardant le même charme originel des jeux. Il y a un accessoire qui ajoute des scanlines pour que ça ressemble à une télé rétro. Analog Interactive a utilisé des pièces récupérées sur des consoles de l'époque, notamment les puces Ricoh 20A3 et 2C02. Côté interface, rien n'a été modernisé, il n'y a rien à télécharger, pas de patch, pas de DLC. Le site de Analog NT propose la console en précommande en vue d'une livraison cet été. Vous pouvez aller faire un petit tour sur la boutique, ce qui permet de constater que l'achat de quelques accessoires fait bien vite gonfler le prix. Mais pour vrai, la console est super belle. C'est sûr qu'il faut avoir les jeux NES originaux. C'est pas comme un émulateur comme d'autres consoles de ce type-là qu'on peut brancher sur la télé qui accepte les ROM de jeux vidéo d'époque qu'on télécharge sur Internet. Non, il faut vraiment avoir les cassettes en tant que telles. Et si la console vous coûte 500$ et que chacun des jeux vous coûte sûrement 10, 20, 30 dépendant du titre, il y en a même qui sont plus chers que ça, ça va coûter cher. Voilà pour les nouvelles dans CNX. Allons-y avec le top maintenant des jeux au Japon. La semaine passée, on avait fait les jeux aux États-Unis, les consoles, pardon, aux États-Unis. Allons-y donc avec ce qui se passe au Japon. En 8e place, la Wii, avec seulement 126 ventes. La Wii se vend encore. En 7e, la Xbox 360 à 146 ventes. Ce qui me surprend quand même, c'est pas bien bien. Hein? En sixième, la PlayStation Portable avec 1906. En cinquième, la Wii U à 8000 quelque chose. En quatrième, la PlayStation 3 avec presque 10 000. En troisième, la PlayStation 4 avec 11 700 presque. En deuxième, la PlayStation Vita à 25 600 environ. Et en première, la Nintendo 3DS avec 42 650. Donc, c'est la Nintendo 3DS qui gagne de ce côté-ci. Donc, des consoles de jeux vidéo les plus vendues. Maintenant, tiens, ce qui nous amène à parler des nouveautés en magasin cette semaine, et quand on a des nouveautés, ben, on a une petite intro juste pour ça, parce qu'il est bien cute. Voici les nouveautés en magasin pour la semaine du 11 au 17 mai 2014. Commençons aux États-Unis avec Armilo sur la Wii U. Ensuite, The Last Tinker City of Colors sur le PC, un jeu d'aventure qui mélange plateformes modernes et styles multicolores. Chronology sort sur le PC aussi aujourd'hui, lundi le 12. Ensuite, mardi le 13 mai, la grosse journée pour les sorties. Borderlands 2 sort sur la PlayStation Vita. C'est coté 8.5 selon GameSpot. Ensuite, The Walking Dead Season 2, Episode 3, In Harm's Way. Coté 8, encore une fois, selon GameSpot. C'est une série de 5 épisodes qui continue l'histoire de Clementine, une jeune fille orpheline de la série The Walking Dead. Pas de spoiler, s'il vous plaît, pour moi. Star Wars Spinball Balance of the Force sort sur Wii U. Neverwinter Curse of Icewind Dale sort sur PC. C'est coté 6, moyen. Un genre de Donjons et Dragons, jeu de rôle de Cryptic Studios. Ensuite, Memento Mori 2 sur le PC. Shin Sangoku Musou 7 with Mushuden sur PC. Et coté 8,18. C'est un jeu d'action tactique. Mercredi, The Walking Dead Season 2, Episode 3, encore une fois. C'est la même chose. Blood of the Werewolf se sort sur Xbox 360. C'est coté 7. C'est un jeu d'action plateforme 2D. Ensuite, la collection God of War Collection sort sur Vita. On l'attendait depuis longtemps. C'est coté 9,2. C'est un ramassis de tous les jeux de God of War. Ensuite, The Sims 3 Starter Pack sur PC. C'est la nouvelle incarnation du populaire jeu de simulation. C'est coté 9, superbe. Donc, c'est vraiment pour les gens qui n'ont pas du tout embarqué dans The Sims 3. Qui veulent un petit emballage de démarrage pour les nuls. Ensuite, Minecraft PlayStation 3 Edition sur PlayStation 3, bien sûr. C'est 8.5 que c'est coté. Ensuite, jeudi, le 15 mai, Hegemony Rome The Rise of Caesar est coté 9,67. Hein, ça, c'est vraiment très spécifique. Un jeu de stratégie en temps réel. Scram Kitty and His Buddy on Rails. C'est un shooter 2D qui sort sur la Wii U. Moon Chronicles sort sur 3DS. Bound by Flame sur 360, PS4, PS3 et PC. C'est coté 4, pauvre. C'est un jeu de rôle d'action. Ça n'a pas l'air très bon. Hein? Ensuite, Arc Style Baseball 3D dans la série des jeux Arc Style sur la 3DS. Vendredi, le 16 mai, Kirby Triple Deluxe, lui, il est très, très, très bien critiqué. Les critiques sont juste unanimes à ce que j'ai vu, moi, même si la cote de GameSpot n'est que 8, mais ça dit quand même 8. Génial, great. Donc, sur 3DS, je vous le conseille beaucoup. En tout cas, j'ai vu les extraits et ça a l'air vraiment bien. Ensuite, Kick-Ass 2 sort sur PC. OK, ben, sur le film Kick-Ass. NASCAR 14 sort sur PlayStation 3. Minecraft PlayStation 3 Edition, encore une fois. Il était là tantôt, je ne sais pas pourquoi il est là deux fois. Euro Truck Simulator 2 Special Edition est coté 8,42. Donc, ça permet aux joueurs de voyager en Europe en tant que roi de la route. Omerta City of Gangsters Gold Edition sort sur PC, c'est coté 4 pauvres. Professional Farmer 2014 Platinum Edition est coté 7 sur PC. Mega Tycoon Giant Pack sur PC. Rescue Helicopter Simulator 2014 sur PC et Dark Scavenger sur PC qui lui est coté 6,5. Et finalement, samedi, Kirby Triple Deluxe sur 3DS coté 8. Mais hein, pourquoi est-ce que Triple Deluxe? C'est parce que je pense que ça dépend des pays. C'est ça. Ouais, je devrais regarder les drapeaux. J'avais pas remarqué en fait qu'il y avait des drapeaux. Vendredi, ça sort avec un petit drapeau bleu. Je sais pas c'est où. Alors que ça sort au... les icônes sont beaucoup trop petits pour moi. Je crois que c'est genre en Europe à quelque part le samedi. Bref. Peu importe. Sachez qu'il sort cette semaine Kirby Triple Deluxe. Selon cette liste de GameSpot.com, c'est les sorties en magasin pour la semaine du 11 au 17 mai 2014. Voilà. Est-ce qu'on retourne en chiptune juste un tout petit peu, entendre Urban Chill? Je pense que c'est ce qu'on pourrait s'apprêter à faire à l'instant. Donc, on s'en va entendre ça. C'est Urban Chill par J-Red. Tout de suite qu'on l'écoute au Mathieu Plante Show. Restez là. We'll be right back. Vous êtes dans la zone 89.1. C'est fou. Silly Venture, précédé de Urban Chill par J-Red featuring Groovemaster 303, des habitués du Mathieu Plante Show. Maintenant qu'on a écouté du chiptune comme ça, on va changer de style musical. On va rester en musique, c'est sûr. Mais on va y aller avec la série Double the Trouble. Le titre du 36e album, édité par le site Overclocked Remix, celui-ci présente des réarrangements de la musique de la version originale de Donkey Kong Country 3, Dixie Kong's Double Trouble. On écoute ça tout l'été à raison de 3 pièces par semaine. Donc c'est ça commence tout de suite avec Brandon Strader. Voici Unbearable Brothers Bear. We'll be right back. C'était le bloc Donkey Kong Country 3, Double the Trouble. On va entendre Pure Water Pressure, Stilt Village par Will Rock. C'était précédé de The Submap Emissary, Submap Shuffle par Xylence. On a débuté avec Unbearable Brothers Bear par Brandon Strader. J'ai dit tantôt, c'est la 36e édition, le 36e album édité par le site Overclock Remix qui réarrange la musique de la version originale de Donkey Kong Country 3, Dixie Kong's Double Trouble, sorti sur Super Nintendo en 1996, et la réédition de Donkey Kong Country 3, sorti sur Game Boy Advance en 2005, qui avait une autre trame sonore. 77 chansons par une soixantaine d'artistes. Allez voir sur dkc3.ocremix.org ou passez par assemblagerequis.com pour les trois compilations de Donkey Kong Country 1, 2 et 3. On continuera avec les prochaines pièces, trois à la fois, la semaine prochaine au Mathieu Plancheau. Ce qui nous amène à Wow What Web. Wow, What Web, c'est le petit segment où on vous parle de ce qui se passe sur Internet. On essaie de pas parler des choses que tout le monde a vues. En tout cas, j'essaie vraiment, je fais attention pour prendre des choses un petit peu plus originales que ce que vous voyez sur Facebook tous les jours. Commençons par Spurious Correlations. Vous savez, c'est vraiment facile de faire des corrélations entre quelque chose et d'autres choses et dire qu'il y a donc une cause à effet, que c'est à cause de, bon, tu sais, la courbe, le graphique montre que les deux vont ensemble. Par exemple, sur ce site-là, sur Spurious Correlations, on vous montre que la courbe, le graphique en tant que tel, mettons, de, tu sais, l'axe des X, l'axe des Y, que les dépenses américaines dans le domaine de la science, de l'espace et de la technologie ont une corrélation presque parfaite avec les suicides par pendaison, étranglement ou suffocation. Donc, tu peux faire dire un peu n'importe quoi aux chiffres. Sur ce site-là, Spurious Correlations, on montre un paquet d'exemples. Et il y en a un de nouveau à chaque jour. Et vous pouvez même vous abonner à la liste pour en avoir un nouveau. Par exemple, le nombre de gens qui se noient en tombant dans une piscine est en corrélation très similaire avec le nombre de films dans lesquels Nicolas Cage apparaît par année. T'sais? Donc, ça peut juste faire dire n'importe quoi. Le site est tylervegan.com. Et ça s'appelle Spurious Correlations. Vous avez sûrement entendu parler du iPhone 6 et des rumeurs pas possibles. Il y en a à chaque fois, à chaque année, en fait, parce qu'il y a un nouveau modèle d'iPhone à chaque année. Et tout le temps, les rumeurs courent. Les gens disent « Le iPhone va avoir un écran de 5,5 pouces », comme si c'était vrai. Maintenant, vous pouvez même télécharger par 3D, par imprimante 3D. En fond, vous pouvez télécharger et envoyer le modèle 3D dans votre imprimante 3D pour faire imprimer un mock-up. Donc, un prototype, entre guillemets, tout à fait basé sur les rumeurs, là. Donc sûrement pas vrai du tout, mais de l'iPhone 6 pour le tenir dans vos mains, en 3D, donc du vrai plastique dans ce cas-ci. Donc allez voir l'article sur assemblagerequipe.com, c'est un homme nommé Martin Hajik qui vend les modèles 3D de ces mock-ups-là pour $25 américains. Donc quoi de mieux en attendant le prochain iPhone que d'avoir payer $25 dans le beurre pour ensuite pouvoir payer un autre 300, 400, dépendant, dollars pour un vrai iPhone 6 à l'automne. On dit à date, les rumeurs disent au mois d'août au lieu du mois de septembre. Mais qu'est-ce qu'on en sait? On ne sait rien, mais tout le monde dit que c'est tout. J'adore ça, c'est de même à chaque année, puis ça fait mon bonheur. Il y a une nouvelle version du jeu. Vous connaissez le jeu Guess Who? En français, c'est Qui est-ce? Qui est-ce? Voilà. Je l'ai cherché un petit peu. C'est le jeu des plaquettes sur table. Donc, tu as des plaquettes avec des personnages et l'autre personne te pose des questions. Bon, est-ce que la personne a les cheveux roux? Est-ce que la personne est fait un petit peu dans le pompoint? Et là, par le processus d'élimination, tu réussis à trouver, ben, c'est telle personne. Eh bien, c'est une version du jeu qui est par Vulture, qui est un, je crois, magazine Vulture, ou un site web, en tout cas, bref, peu importe, là, mais Vulture.com, qui permet de jouer donc à Game of Thrones. Version qui est ou qui est version Game of Thrones. Ils ont même fait une version imprimable pour que vous puissiez jouer à la maison. Vous l'imprimez trois fois par joueur, donc deux fois la planche et une fois pour les personnes dessus. En tout cas, ils vous montrent les instructions, comment l'installer et tout ça. Et vous allez pouvoir jouer, donc à peut-être trouver, mettons, est-ce que c'est une fille, est-ce que c'est un gars, est-ce qu'il a les cheveux blonds, bouclés, est-ce que tu sais, et trouver les personnages de Game of Thrones, le trône de fer, bien sûr. Il y a des restaurants aux États-Unis qui s'appellent Applebee's. Eh bien, vous connaissez peut-être l'application WhatsApp. WhatsApp, c'est comme une application de chat, mais gratuite. Vous pouvez envoyer des messages textes, en guillemets, mais gratuitement, etc., etc. Donc, WhatsApp devient WhatsApplebee's.com. C'est une application qui ne s'utilise qu'avec les clients de Applebee's, des restaurants. Donc, évidemment, tu vas te connecter, partager, communiquer, mais seulement chez Applebee's. C'est l'application de chat social pour les fans de ce restaurant-là. Donc, en utilisant l'application WhatsApplebee's, vous allez pouvoir avoir des conversations privées avec les autres membres de dans le fond, les gens qui ont l'application et ceux qui aiment la marque Applebee's qui sont situés présentement dans un restaurant. Et la règle est très, très stricte. Ils vont pas accepter personne d'autre. Donc, WhatsApplebee's, on peut télécharger sur la App Store. Et j'ai cliqué sur le lien et il y a vraiment l'application WhatsApplebee's sur la App Store. Au début, je pensais que c'était une blague, évidemment. Vous vous rappelez dans Les Simpsons, les premières saisons, au début de la série, en fait, il y avait McBain. C'était un policier musclé joué par Rainier Wolfcastle, un autre personnage des Simpsons. C'était un peu inspiré par Arnold Schwarzenegger. Donc, c'est un personnage récurrent dans le début de la série Les Simpsons. Il faisait des apparitions dans la série ponctuellement et dans les jeux vidéo aussi. Eh bien, dans Les Simpsons, il y avait plusieurs scènes du film de McBain. Et quand on les colle ensemble, ça donne un vrai film. Donc, des parodies de plusieurs autres films d'action comme L'Arme fatale et Piège de cristal. Et lorsque mis ensemble, ça fait quand même un film qui a une certaine cohésion. Donc, allez voir le lien, je l'ai posté sur assemblagerequis.com. Le Temple of Time dans la série des jeux Zelda. Il y a une vidéo qui a été créée par Michael Jurek du Temple of Time, recréée dans un environnement du vrai monde. Donc, c'est sûr que c'est pas de la réalité, mais c'est dans un environnement qui ressemble plus au vrai monde. Donc, allez voir ça. Il y a quelques mois, quelqu'un lui avait suggéré de faire ça, que ce serait un bel exercice de pratique avec des logiciels 3D. En tout cas, c'est ce que j'en comprends. Bon, il me semble que c'était des logiciels 3D. Ouais. Donc, allez voir Temple of Time par Michael Jurek sur assemblagerequis.com encore une fois. Il y a un juge qui a dit à un père d'arrêter d'envoyer des courriels à ses enfants en majuscule parce qu'il a l'air de crier. Donc, c'est un juge, évidemment, de séparation, divorce, par rapport à la garde des enfants, c'est en Angleterre, qui a dit au père d'arrêter d'envoyer des courriels à ses enfants en écrit en majuscule. Ça avait l'air d'une blague au départ, mais apparemment que c'est tout à fait vrai. C'est un juge de la Cour supérieure, High Court, supérieure, je pense. En tout cas, donc, il a dit à son père d'arrêter ça. C'était l'équivalent de crier sans cesse. Il devait rendre ses messages appropriés et corrects pour les enfants. Voilà, ça ne veut absolument rien dire, mais c'est comme ça. La série télé Walking Dead, qui est montrée sur Fox au Portugal. Ici, c'est montré sur, je crois, AMC. Au Portugal, c'est sur Fox. Et le réseau... Pardon, trouver une façon unique de promouvoir la quatrième saison. Ils utilisent des magasins, ce qu'on appelle des magasins pop-up, c'est-à-dire des magasins qui existent pendant une certaine période éphémère de temps. Donc, c'est installé, puis quelques semaines après, ça s'en va. Et ils demandent aux gens de leur donner du sang en échange de marchandises de Walking Dead. Ça a de très, très bons compromis. Donc, eux, évidemment, peuvent faire plus de sang pour leur banque de sang. Évidemment, c'est toujours bon de donner du sang. Je l'ai fait une fois. Je peux pas dire que je le fais fréquemment. À chaque fois qu'ils m'appellent, je dis « Ah ouais, je vais essayer d'y aller, mais j'ai jamais le temps, j'ai jamais l'opportunité de le faire. » Je vais y retourner, c'est ça. Mais donc, ici, ce serait une très bonne opportunité pour peut-être les gens qui sont fans de Walking Dead, qui osaient pas aller donner du sang, pour avoir de la marchandise en retour. C'est une très, très bonne chose. Les dons de sang ont monté de 571% comparé à l'année d'avant. J'imagine en lien avec cette promotion-là. 67% des donneurs donnés pour la première fois. Donc tout le monde gagne en faisant quelque chose comme ça. C'est vraiment une très, très, très bonne idée. Ensuite, à New York, on va changer 7000 vieilles cabines téléphoniques en gros réseau Wi-Fi gratuit. Donc le maire Bloomberg, en 2013, avait demandé aux designers de réimaginer les vieux téléphones payants de la ville en tant que machine du futur. Les gagnants étaient à ce moment-là que des concepts. Par contre, maintenant, la ville va avancer avec ce projet-là. Ils vont rétro-arranger leur machine de téléphone pour faire du Wi-Fi. C'est le département de le Department of Information Technology and Telecommunications, on va le dire comme ça, donc qui a demandé de le faire. C'est bien ça qui a demandé de le faire. Et pour l'instant, ben ça va être vrai. Il y a environ 11 000 téléphones payants qui sont partout dans la ville et le plan les rétro-arrangerait en arrangerait environ 10 000 avec du nouveau matériel pour diffuser du Wi-Fi gratuit financé par le revenu publicitaire. Donc voilà, allez voir les renseignements. Toute l'information est sur assemblagerequis.com. Et on va terminer avec ça. Tiens, 271 ans avant les couleurs Pantone, un artiste a mélangé et décrit chaque couleur imaginable dans un livre de 800 pages. Donc, on nous dit ici, voilà, donc c'était en 1192, un artiste connu sous le nom de A. Bogert s'est assis pour écrire un livre en hollandais par rapport au mélange des couleurs d'eau, donc la peinture à l'eau. Il a commencé le livre et il a fait des cases et il a dessiné chacune de ces couleurs-là. Ça s'appelle « Traité des couleurs servant à la peinture à l'eau ». Probablement le guide le plus compréhensif de la peinture et de la couleur à cette époque-là. Et selon l'historien de livres médiévaux, Eric Quackel, qui a traduit une partie de l'introduction, le livre de couleurs était supposé être un guide éducatif. Voilà, donc quand même, allez voir les photos. Moi, je trouve ça fantastique de voir que quelqu'un a pu faire chacune de ces couleurs-là, parce qu'on s'entend que pour tomber exactement sur la bonne teinte. En tout cas, je trouve ça très bien fait. Allez voir sur le lien sur thisiscolossal.com. Évidemment, je l'ai mis sur assemblagerequis.com. Voilà pour What Web et ce que j'ai trouvé d'intéressant, ou en tout cas semi-intéressant, sur le web cette semaine. Et ça va être tout pour le Mathieu Plante Show de cette semaine. Incroyable, mais vrai. C'est ce qui termine une autre édition du Mathieu Plante Show. Merci d'avoir été à l'écoute. On se retrouve la semaine prochaine, toujours en direct, les lundis entre midi et 14h. En rappel, les mercredis à 17h. Consultez la programmation sur CIF.ca et retrouvez tous les liens et les notes de l'émission d'aujourd'hui sur assemblagerequis.com. Vous pouvez aussi aimer la page Facebook pour connaître le plan avant tout le monde. Facebook.com/Mathieu Plante Show. De la part de toute l'équipe fictive du Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante, c'était Mathieu Plante et vous avez été planté. Bye!